Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tu es sur la chaîne où l'on parle d'investissement rentable et sécurisé. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment on peut faire des plus-values en immobilier avec zéro impôt. Démarrer cette nouvelle vidéo, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Damien, j'ai créé la chaîne Esprit Gagnant pour aider le maximum d'investisseurs à devenir rentables. J'ai mis en place une formation sur l'investissement locatif de A à Z. Tu peux la télécharger gratuitement. Tu trouveras le lien dans la description au-dessus ou en dessous de la vidéo. Tu me mets juste ton prénom et ton email, je te l'envoie dans la foulée. Donc, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir une des meilleures stratégies pour avoir des plus-values immobilières, de grosses plus-values immobilières en ne payant pas d'impôts. Donc, je vais te parler de résidence principale, bien évidemment. Déjà, je vais te retirer une fausse croyance. Il n'y a aucune durée de détention légale sur ta résidence principale pour pouvoir avoir zéro impôt sur une plus-value immobilière. Tu entendras plein de choses où ils te disent qu'il faut rester 4 ans dans l'appartement ou dans la maison, 5 ans, 6 ans, etc. C'est faux, c'est archi faux. Je me suis renseigné, j'ai regardé les textes. Il faut juste pouvoir justifier auprès des impôts que tu as vraiment vécu dans ton appartement. Donc, juste en donnant des factures d'eau, des factures d'électricité qui montrent que tu as vraiment vécu pendant quelques mois dans l'appartement ou dans ta maison, ça va suffire pour prouver que c'était réellement ta résidence principale. Donc, n'écoute pas tout ce qu'on entend en te disant qu'il faut rester 4 ans, 5 ans, 6 ans. C'est archi faux. Ce qui est vrai, par contre, c'est si tu connais tous les 6 mois, par exemple, tu risques d'avoir des soucis d'être qualifié en marchand de biens. Maintenant, tu l'as compris, c'est pas en achetant juste une résidence principale et en la revendant 6 mois plus tard que tu vas faire 100 000 euros de plus-value. Forcément, il va y avoir quelques concessions à faire quand tu vas acheter ta résidence principale, et je vais te donner deux manières pour faire d'énormes plus-values à coup sûr. La première, c'est acheter une résidence principale, une habitation où il y a plein de travaux à faire, quelque chose de délabré, une vieille ferme à retaper, un appartement où tu n'as même pas encore l'arrivée d'eau, des choses vraiment qui vont, où avec des gros travaux, tu vas pouvoir faire d'énormes plus-values. Ça, c'est la méthode numéro une, c'est de vraiment acheter quelque chose de complètement à retaper. L'inconvénient principal, c'est que tu risques de vivre dans les travaux pendant plusieurs mois. Donc, si ton appartement, par exemple, n'est pas très grand, c'est-à-dire que tu vas vivre dans la poussière, tu vas vivre forcément dans ces travaux et ça risque d'être compliqué. Si tu as une femme, si tu as des enfants, ça risque d'être une situation qui potentiellement pourrait te poser quand même de gros problèmes. Maintenant, l'astuce numéro 2 pour utiliser ta résidence principale pour faire une grosse plus-value où tu ne paieras pas d'impôts, c'est d'acheter quelque chose, d'acheter un appartement, d'acheter une maison où tu vois qu'il y a un potentiel, par exemple, d'agrandissement. Aujourd'hui, on peut assez facilement, selon les villes où tu es, selon le PLU, agrandir ta maison, agrandir ton appartement ou alors la surélever. Souvent, dans les mairies, ça va être très important, l'emprise au sol, mais ils vont te permettre assez rapidement de surélever ta maison, par exemple, de gagner un étage. Et là, tu vas pouvoir, selon le prix au mètre carré où tu habites, tu vas pouvoir faire d'énormes plus-values sans imposition. Donc, tu as deux méthodes principales. Soit la première, tu acceptes de vivre dans les travaux ou alors tu peux aller ailleurs pendant tes travaux. Ou alors tu as une maison assez grande et tu peux par exemple le faire en deux parties. Tu condamnes 50 mètres carrés pour faire tes travaux et tu vis dans les 30 mètres carrés restants. Et là, tu peux isoler et limiter un petit peu la nuisance des travaux. Soit si tu as un petit appartement, tu pars carrément de cet appartement pendant 2-3 mois. Soit si tu veux acheter quelque chose par exemple qui est dans un état très correct, mais par contre avec un potentiel, une potentiel agrandissement ou surélévation. Et là, c'est la même chose, ça va te permettre de gagner des mètres carrés. Et selon l'endroit où tu habites, les mètres carrés peuvent vraiment valoir de l'or aujourd'hui, vu les prix très importants au niveau des mètres carrés. Je vais te mettre une vidéo où je parle un petit peu de mon histoire. J'ai été interviewé par Goulwen Tristan et je raconte un peu une plus-value immobilière que j'ai pu faire de plus de 150 000 euros sur ma résidence principale. Et j'ai en fait tout cassé, effectivement, dans un petit appartement. Mais je suis parti de chez moi avec un enfant. Je suis parti pendant 3 ou 4 mois. Je suis allé revivre chez ma mère parce que, qu'on soit bien sûr, il n'y a pas de recette miracle. Tu ne vas pas acheter un appartement, il va valoir 100 000 euros 6 mois plus tard. Il va falloir faire quelque chose. Donc, soit acheter un appartement qui est totalement à retaper, soit faire un agrandissement, une surélévation, faire quelque chose qui va rendre ton bien exceptionnel par rapport au moment où tu l'as acheté. Donc, voilà très rapidement la méthode pour faire de grosses plus-values sans payer d'impôts. Donc, si tu as aimé cette vidéo, en tout cas, mets-moi un gros like. Partage-la à des amis qui peuvent être intéressés par l'investissement immobilier. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, tu peux t'abonner tout de suite pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'est du contenu complètement gratuit. En tout cas, d'ici là, je te dis, passe à l'action, Porte-toi bien, kiffe, ciao ciao.